Le jeudi 15 décembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Québecor ne paiera des taxes que pour une fraction de la valeur du centre Vidéotron. Elle sera imposée sur une valeur d'environ 10 millions de dollars, alors que l'amphithéâtre en vaut 350 millions selon le rôle d'évaluation rendu public par la Ville de Québec ce matin. À titre de gestionnaire, Québecor va recevoir un compte de taxes de 365 000 $ pour des espaces à usage exclusif comme les vestiaires, les bureaux ou les studios de télévision. Le reste de l'immeuble et des terrains étant de nature publique, il ne serait pas taxable ou imposable aux yeux de la loi. Le réseau de transport de la capitale entend investir 300 millions de dollars sur 3 ans, déterminé à freiner la baisse d'achalandage. La société entend rajeunir sa flotte de véhicules. Le RTC prévoit acheter une trentaine de véhicules hybrides, dont 32 midi-bus qui sillonneront les rues du Vieux-Québec en 2018. Le RTC veut également aménager des voies réservées sur l'autoroute Laurentienne et sur le boulevard Hochelaga. En marge des annonces du RTC, le maire de Québec, Régis Labeaume, a révélé qu'il avait amorcé une grande réflexion pour rendre plus performant le réseau de transport en commun de la capitale. Il a aussi appelé le gouvernement provincial à financer davantage ce mode de transport. Scène fédérale, enfin, le gouvernement Trudeau a confirmé l'interdiction de l'amiante. L'utilisation, l'importation et l'exportation de ce matériau seront interdits dès 2018. Cette disposition sera prochainement inscrite dans la loi sur la protection de l'environnement. Le gouvernement a admis que l'interdiction de l'amiante aurait dû être faite depuis longtemps et que ses dangers pour la santé étaient bien documentés par la science. Rappelons que le Canada ne produit plus d'amiante depuis plus de 5 ans lors de la fermeture de la dernière mine, la mine Jeffrey à Asbestos. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Alternance de soleil et de nuages aujourd'hui avec 60 % de probabilité d'averse de neige. C'est venteux. On observe présentement des vents de l'ouest de 35 km/h avec rafale à 50 km/h. On a moins 13 degrés présentement à Québec. Avec le refroidissement éolien, c'est moins 24 que l'on ressent présentement. Les températures sont à la baisse ce soir. On connaîtra un minimum de moins 24 cette nuit avec un refroidissement éolien de moins 34.